Yo, Fuji and D.I.C. Yeah, aïe. Yo, fugitif, dépressif, agressif, t'es trop pipo, faut ta marque de repos. Oh yeah, check this out, check your mouth, and get out, and effect, take a break, you make mistake. Take that, que tu sois blanc ou black, on s'en tabarnak. Yo, act, no act, punk, tu vois là ce coup de sac. Sinon, on come back, tu suis face d'ammoniac. Top shape, check the tape, don't stress out the bag. Y'a no more escape, les lyrics tight. Je sors du mic, ma type, snipe, fucking try, j'ai try tonight, yo. Now on est back, for the new fact. Jack, we beat the fact, quand on embarque, c'est ma faute, ça te marque. C'est pas ma faute, ça te marque. Mais c'est pour nous tester, parce que tu vas te faire renverser. Parce que t'es mal placé pour parler. Trop talk shit, pis j'suis pas seul qui dit. Tu veux faire des hits, pis mettre ça sur ordi. T'es une crise de but de raconter ma vie, pis de dire des conneries que j'ai jamais vécues. Tu te frottes ou tu cul, un comeback sur instru. Y'a du monde qui parle trop, pis ça like c'est dans mon dos. Relax, relax, dis-toi que c'est juste des conneries. Je le sais, c'est la vie, mais ça gosse en esti. C'est tout le temps même refrain, le gars chiale parce que t'as plus de foin. Tu veux plus de joints, j'en mettrai pas plus loin. Ce que j'pourrais faire demain, ben oui, claque des mains, on s'en reparlera. Car ton heure viendra, la flèche production. C'est ça, gars, la libre expression. De ça, gars, D.I.C. Contre les wacky wannabe, fou crazy. Malfaisant family, Fuji, Fuji, D.I.C. D.I.C. La flèche production, top shape, tout en jaune street dans ta face, là. Essaye pas de nous tester, parce